Mais quelquefois, les gens me posent des questions ridicules. Par exemple, une femme m'a téléphoné un jour à 5 heures. Est-ce que le train de 4 heures est en retard? M'a-t-elle demandé. Une autre m'a dit, je voudrais prendre le train le plus rapide de France. Est-ce que c'est le Mistral ou le Drapeau? Tout à l'heure, un homme m'a téléphoné. Est-ce que le train d'Amiens s'arrête à la gare du Nord? M'a-t-il demandé. La gare du Nord, c'est le terminus. En général, les gens sont polis et aimables. Mais certains voyageurs sont impatients. D'autres sont impolis. Quelques-uns sont grossiers. Mais c'est rare. Généralement, les gens me disent aimablement merci. Les femmes sont plus polies que les hommes, c'est certain. À la réflexion, quelques-unes sont parfois bien nerveuses. Elles ont toujours peur de manquer leur train. Ah, le téléphone. Excusez-moi, à tout à l'heure. Allô? Ici la gare du Nord, les renseignements? Monsieur, si vous voulez savoir l'heure, appelez l'horloge parlante. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je ne suis pas l'horloge parlante.